طيب الله كمسي إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer dans maintenant le cours 4, c'est la quatrième partie dans l'explication des quatre règles. Et on était dans la deuxième règle, al-qa'idatu thaniya, au sujet de l'intercession. Et donc le cheikh il expliquait al-shafa'atu al-muthbata wa al-shafa'atu al-manfiya. Et là, par rapport à ce point-là, on était en train d'expliquer, donc de résumer, qu'est-ce que c'est la shafa'a qui est affirmée et celle qui est niée. On a expliqué celle qui est niée en premier. Le cheikh, il résume, il dit « فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةِ هِيَ الشَّفَاعَةُ الَّتِي تَكُونُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ اللَّهِ وَلَا رِضَاهُ وتكون بطلبها ممن لم يمكن من ذلك أو من لم يمكن من ذلك كما لو طلب ذلك من ميت مهما كانت درجته فإنه لم يمكن من ذلك ولم يمكن أن يطلب الشفاعة ولهذا يكون طلب الشفاعة من الله جل وعلا وهذه الشفاعة وهذه هي الشفاعة النافعة. Donc le cheikh il explique que la shafa'a qui est niée, c'est la shafa'a qui est faite ou c'est la shafa'a qui n'a pas dans laquelle il n'y a pas la permission d'Allah. C'est-à-dire la shafa'a c'est l'intercession qui est faite sans la permission d'Allah ou sans son agrément. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas permettre, il ne va pas agréer l'intercession pour, par exemple, pour un mushrik. Si quelqu'un est mushrik, Allah ne va pas accepter, il ne va pas permettre, il ne va pas agréer l'intercession pour lui, il ne va pas non plus permettre à un mushrik d'intercéder auprès de lui aussi. Et il dit, وَتَكُونُ بِطَلَبِهَا مِمَّنْ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ. Et aussi, c'est le fait de le demander de celui qui n'a pas la capacité de faire la shafa'a, qui ne peut pas demander l'intercession. Comme par exemple, de qui on ne peut pas demander l'intercession, comme par exemple de demander l'intercession d'un mort. Tu demandes à quelqu'un qui est mort d'intercéder pour toi, ça c'est pas possible. Peu importe son degré. Peu importe son degré dans la foi et dans la piété et dans la religion, peu importe sa proximité d'Allah, il ne peut pas intercéder pour toi. Hein? Et il ne peut pas parce qu'il n'a pas la capacité de le faire et parce qu'il n'a pas reçu la capacité de demander justement cette intercession-là. Et il dit que c'est pour cette raison-là que la demande de la shafa'a, demander la shafa'a, ça doit se faire uniquement à Allah. Et si on demande la shafa'a à Allah lui-même et à lui seul, c'est là que c'est une intercession qui sera Inch'Allah, profitable et bénéfique. Ensuite, il dit الشفاعة المثبتة. هذا استطراد من الشيخ رحمه الله في بيان معنى الشفاعة الحقة والرد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة وتفصيلها معروف في موضعه من كتاب التوحيد ومن كتب أهل السنة في الشفاعة. وملخص ذلك أن الشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي توفرت فيها الشروط الشرعية، وأعظم هذه الشروط شرط الإذن والرضا. الإذن للشافع أن يشفع، والرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة النافعة، لكن تنفع بشرطين، بشرطي الإذن والرضا. الرضا عن الشافع، وأن يكون ممن شهد بالحق وهو يعلم، والرضا عن المشفوع له بأن يكون من أهل التوحيد. Donc le cheikh dit l'intercession qui est affirmée. Ça, c'est le cheikh qui ramène ça à ce point-là pour donner le contraire. Parce qu'une fois qu'on a vu l'intercession qui n'est pas permise, qui est niée, et maintenant on va voir l'intercession qui est affirmée. Et donc là, l'affaire va être vraiment claire. Et on va comprendre donc la signification de la vraie intercession. Et en même temps, on va réfuter ceux qui se sont accrochés à l'intercession fausse. En même temps. Et donc, les détails de l'intercession sont connus dans le livre de Kitab al-Tawhid. Puisque Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a expliqué dans ce livre-là, dans Kitab al-Tawhid, tout ce qui a rapport avec l'intercession aussi dans son livre, Kitab al-Tawhid. Et on le retrouve également dans les autres livres des ulama de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ils expliquent également les détails de la shafa'a. Et il dit, le résumé de cela, c'est que la shafa'a qui est affirmée, c'est la shafa'a dans laquelle les conditions sont respectées, les conditions de la sharia sont respectées. Et parmi les plus importantes de ces conditions, il y a les deux conditions de la permission et de l'agrément. Le fait que Allah donne la permission et qu'il agrée. Et il explique, c'est-à-dire donner la permission à l'intercesseur pour qu'il puisse intercéder et qu'il soit satisfait de l'intercesseur lui-même et qu'il ait agréé et qu'il soit satisfait de celui pour qui on intercède. Je vais répéter ça encore une fois. La permission, c'est la permission que Allah donne à l'intercesseur pour qu'il puisse intercéder, et l'agrément, justement, qu'il soit satisfait de cet intercesseur et qu'il soit satisfait de la personne pour laquelle il intercède. D'accord ? Donc l'intercesseur, c'est celui qui va demander à Allah pour quelqu'un. Et la personne pour qui il intercède, c'est la personne qui lui demande de demander à Allah pour lui. Et donc, il mentionne les preuves de ces deux conditions-là dans les versets du Coran. Le verset 26 dans sourate An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et combien d'anges dans les cieux, leur intercession ne profite en rien, excepté après que Allah ait donné sa permission pour celui qui l'a voulu. Et qu'il l'a agréé. Verset 26 dans sourate An-Najm. Donc c'est la preuve que les anges, même s'ils intercèdent pour quelqu'un, ils ne peuvent pas intercéder excepté après qu'Allah ait donné la permission, qu'il ait voulu et qu'il ait agréé. Le verset 255, c'est Ayatul Kursi dans sourate Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là: Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Qui peut intercéder auprès de lui excepté par sa permission? Personne. Et il dit le verset 28 dans sourate Al-Anbiya. Verset 28 dans sourate Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ils ne peuvent intercéder ou ils n'intercèdent que pour celui que Allah a agréé. Que pour celui que Allah a agréé. Et le verset 86 dans sourate Az-Zukhruf. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là: illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Excepté celui qui témoigne de la vérité alors qu'il sait. hein, alors qu'il sait. Et donc, il faut que la personne qui témoigne avec vérité et qu'il ait la connaissance de ce en quoi il témoigne. Ensuite, le cheikh il dit « Idhan, fashafa'atul muthbata hiya shafa'atul nafi'a, lakin tanfa' bishartayn, bishartay al-idhn wal-rida. » Donc, l'intercession, c'est l'intercession qui est affirmée, c'est l'intercession qui est bénéfique, qui est profitable, et cette intercession-là ne peut être profitable qu'à deux conditions, à condition de la permission et de l'agrément. L'agrément de l'intercesseur lui-même, que Allah soit satisfait de lui, et yani, qu'il fasse partie de ceux qui ont témoigné de la vérité et qui a de la science, et que la personne qui demande, pour qui on intercède, la personne pour qui on va intercéder, Allah soit satisfait de lui. Il doit lui aussi avoir la satisfaction d'Allah. C'est-à-dire que l'intercesseur, même si lui, il est agréé par Allah, et Allah est satisfait de lui, et que Allah lui donne la permission, il ne va pas lui donner la permission d'intercéder pour quelqu'un pour qui Allah n'est pas satisfait. C'est-à-dire, il ne peut pas intercéder pour le mushrik, il ne peut pas intercéder pour le kafir, il ne peut pas intercéder pour hein, ces catégories-là. Et il faut que la personne, pour qu'Allah l'agrée, soit parmi les gens du tawhid. Ça, c'est clair. Après, le cheikh, il dit, « وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَ رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه وقال العلماء معنى قوله أسعد الناس يعني سعيد الناس فأفعل التفضيل هنا ليست على بابها في المفاضلة وإنما هي بمعنى سعيد الناس يعني كقوله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا والنار ليس فيها مقيل حسن. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça qu'il a été mentionné de façon authentique dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Il dit que il est affirmé que Abu Huraira a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khairan. Il lui a posé la question au messager d'Allah, qui sera plus heureux de ton intercession au jour de la résurrection? Il a dit, je ne pensais pas que quelqu'un d'autre que toi me poserait cette question, au Abu Huraira. Hein? À cause de ton intérêt et ton amour pour le hadith. Je ne pensais pas que quelqu'un me poserait la question avant toi. Et effectivement, c'est lui qui a posé la question en premier. Il dit, la personne la plus heureuse de mon intercession au jour de la résurrection sera celui qui a dit « La ilaha illallah », c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, sincèrement de son cœur. Hein? Ou bien sincèrement de son âme. Donc la personne qui sera la plus heureuse de l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection, ce sera la personne qui a dit « La ilaha illallah »« Khalisan min qalbihi » c'est-à-dire purement, sincèrement de son cœur. Et le cheikh il dit que les ulama ont mentionné ici « As'ad al-Nas » ça ne veut pas dire en réalité « la plus heureuse » mais ça veut dire en fait « la personne qui sera heureuse » au jour de la résurrection. Et il explique pourquoi. Donc, c'est en fait, en tout cas, c'est il dit que c'est pas af'al tafdil ici. Et, non, donc, les détails de ça, c'est dans les livres de grammaire arabe, si vous voulez savoir les détails. Le cheikh, il dit, « Idhan fal fashafa'a innama hiya li ahli l'ikhlas. » شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعه الملائكه وشفاعه الصالحين وشفاعه العلماء يوم القيامه انما هي لاهل الاخلاص، واهل الاخلاص يطلبونها من الله، فيقول المخلص: اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامه، اللهم شفع في ملائكتك، شفع في ملائكتك، اللهم شفع في العلماء الصالحين، اللهم شفع في عبادك الذين تحبهم ويحبونك، ونحو ذلك من الألفاظ. فتطلب الشفاعة من الله تعالى، لا تطلب الشفاعة من المخلوق. لما؟ لأن الشفاعة طلب الدعاء، وإذا قال أستشفع يعني أطلب منك الدعاء، أطلب منك يعني رفع حاجتي. وإذا رجع أمر الشفاعة إلى الطلب صارت الشفاعة من أنواع الدعاء، فصار طلب أو دعوة غير الله شركا أكبر. Donc le cheikh il explique ici que donc l'intercession c'est uniquement pour les gens de l'ikhlas, les gens qui ont la pureté, la sincérité dans l'adoration et dans l'intention pour Allah seul. Et il dit que l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que on sait qu'au jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aura des intercessions. Il aura différentes sortes d'intercessions. Et pas seulement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il y aura également d'autres parmi les êtres humains qui auront des intercessions au jour de la résurrection. Et même que d'autres en dehors des êtres humains aussi, comme les anges, pourront intercéder aussi. Donc, il y aura l'intercession du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura l'intercession des anges, pour certaines personnes. Il y aura l'intercession des hommes pieux, des salihin, qui vont intercéder pour certaines personnes. Il y aura l'intercession des ulama, pour certaines personnes, et ainsi de suite. Donc, il y aura différentes personnes, différentes catégories qui vont intercéder pour les gens du tawhid, pour les gens de la sincérité, au jour de la résurrection. Et les gens de la sincérité, et les gens de la pureté, et les gens du tawhid, ils ne demandent l'intercession qu'à Allah. Ils ne demandent l'intercession qu'à Allah. Et donc, la personne qui fait partie des gens du tawhid et qui sont sincères et purs dans leur adoration, et quand ils veulent demander l'intercession, ils demandent à Allah. Ils disent par exemple: « Oh Allah, fais intercéder pour moi ton messager au jour de la résurrection. » Oh Allah, fais intercéder pour moi tes anges. Oh Allah, fais intercéder pour moi les ulama, les pieux. Oh Allah, fais intercéder pour moi ton serviteur qui t'aime et que tu aimes. Et ainsi de suite. Donc là, c'est correct. Parce que l'intercession est demandée à Allah, non pas à des créatures. Il dit que la demande de la shafa'a, elle doit se faire à Allah. Pourquoi elle se fait uniquement à Allah et pourquoi on ne la demande pas à une créature? Parce que c'est une forme de dua en réalité. Quand tu... Oui, c'est ça. J'ai pas compris. Non, c'est toi, tu peux dire ça aujourd'hui même. Tu comprends? Tu peux dire ça. Oh Allah, fait intercéder pour moi ton prophète. C'est maintenant qu'il faut demander ça. Parce que dans l'enfer, si tu es dans l'enfer, c'est trop tard, Yanni. C'est sûr qu'il y a des musulmans, des croyants, qui ont fait des péchés, que Allah subhanahu wa ta'ala peut-être va les punir pour un certain temps dans l'enfer. Et il va les faire sortir de l'enfer par l'intercession, soit de l'intercession du prophète, ou des hommes pieux, ou autres. Mais cette intercession là on demande à Allah, tu vois, où Allah fait intercéder pour nous tel de tes serviteurs pieux, et ainsi de suite. Mais c'est maintenant qu'il faut profiter de notre temps sur la vie, de notre temps dans cette vie d'ici-bas, pour faire des bonnes œuvres et pour demander à Allah l'intercession et de faire les œuvres qui vont nous faire mériter cette intercession. Même si on ne la demande pas, Allah il va nous la donner quand même, si on est parmi les pieux, parmi les sincères, parmi les gens du tawhid. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire en sorte que les gens, que les gens intercèdent pour toi si tu fais partie de ces gens-là, même si tu ne l'as pas demandé. D'accord? Mais le fait de le demander à Allah, hein, c'est quelque chose de bien. Il n'y a pas de mal là-dedans. Et au contraire, Yannick. Donc ici, il dit, tu dois demander l'intercession à Allah et tu ne dois pas le demander à une créature. Pourquoi? Il dit parce que l'intercession, en réalité, c'est de demander à quelqu'un de faire un dua pour toi. Quand tu dis à quelqu'un d'intercéder pour toi, en réalité, tu es en train de lui dire, fais un dua pour moi. Demande à Allah pour moi. C'est ça que tu es en train de faire. Donc, quand tu dis astashfi'u, yani, ça veut dire je demande à quelqu'un de faire un dua. Je demande de toi de faire dua pour moi. C'est permis de faire ça, de demander à quelqu'un de faire dua pour toi, mais à condition que la personne soit présente et qu'elle soit vivante. Tu vois? Et ça, c'est qu'est-ce qui rentre dans, aussi dans qu'est-ce qu'on appelle at-tawassul. Il y a qu'est-ce qu'on appelle at-tawassul. Et at-tawassul, ça vient du mot wasila. Et wasila, ça veut dire un moyen. Un moyen. Et donc, c'est dans le sens de tawassul, c'est dans le sens de chercher un moyen pour se rapprocher d'Allah. Et at-tawassul, les ulama, ils ont mentionné qu'il y a trois catégories de tawassul. Le tawassul, ou bien plutôt, il y a une forme de catégorie qui est permise. Hein, il y a le tawassul qui est permis, puis il y a le tawassul qui est interdit. Le tawassul qui est permis, c'est en trois catégories. Il y a trois catégories de tawassul qui est permis. La première catégorie, c'est de faire le tawassul à Allah par ses noms et par ses attributs. Tu demandes à Allah par ses noms et par ses attributs. Oh Allah, je te demande par ta miséricorde et par ton pardon de me faire rentrer au paradis. Oh Allah, je te demande parce que tu es l'unique, le tout-puissant, le miséricordieux, de me pardonner mes péchés, et ainsi de suite. Des exemples comme ça. Comme le dua de Younes, quand il était dans la baleine, ou dans le poisson. Il disait, « Wanada fit dhulumat, an la ilaha illa anta subhanaka inni non. » C'est ça? C'est ça. Donc, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Ou bien l'autre verset dans lequel il dit subhanaka, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Ou des versets comme ça. Donc, pour dire que tu demandes à Allah par le fait que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Hein? Et gloire à lui, gloire à toi. J'étais certes du nombre des injustes. Donc tout ça, c'est pour dire que tu demandes à Allah en mentionnant ses noms, en mentionnant ses attributs, pour faire en sorte qu'il t'exauce. Ça, c'est permis. C'est une forme de tawassul qui est permise et qui est mentionnée dans le Coran et dans la Sunna. L'exemple aussi de faire le tawassul par une bonne action que tu as faite. Tu fais le tawassul par une bonne action que tu as faite. Tu dis, par exemple, l'exemple des trois hommes qui étaient enfermés dans une grotte. Et ils sont rentrés pour dormir dans cette grotte pour se protéger de la pluie. Puis, quand ils ont voulu sortir, il y a un rocher qui est venu obstruer la sortie de cette grotte. Donc, ils ne pouvaient plus sortir. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Chacun, on va invoquer Allah par une bonne action qu'on a faite, uniquement pour lui. Et le premier, il a fait une invocation en mentionnant une bonne action. Le deuxième, il a fait la même chose. Et le troisième, il a fait la même chose. Et à chaque fois, le rocher se libérait un petit peu. Jusqu'à ce que le troisième demande par une bonne action qu'il avait faite. Et le rocher s'est complètement enlevé de l'entrée du rocher. Donc, Allah les a sauvés par ça. Donc, ça, c'est une forme de tawassul. Tawassul bil amal salih. Par les bonnes actions. Et le troisième forme de tawassul qui est permise, c'est le tawassul par l'invocation d'un homme pieux en ta faveur. Donc, toi, tu vas dire à quelqu'un qui est vivant, qui est présent, de faire un dua pour toi. Si tu dis, par exemple, souvent les gens, ils ont l'habitude, quand quelqu'un part pour le hajj ou pour la umra, ils vont faire une umra ou un hajj, la personne va lui dire, oublie pas de faire des dua pour moi. Parce que le dua du voyageur, il est exaucé. Et en plus, tu t'en vas pour faire une grande adoration, donc il y a plus de possibilités d'être exaucé dans ce cas-là. Donc, ça c'est dua bi, yani bi, yani talab chef, talab tawassul bi dua al-salihi. Ça s'appelle le tawassul par l'invocation de la personne pieuse. Le premier, c'est par les noms et les attributs d'Allah. Ouais. Donc ces trois, j'ai fait un cours sur ça avec le livre de Cheikh Abdussalam ibn Burjis. Je pense que c'est trois ou quatre cours. C'est vraiment un très bon livre. Ça, c'est la différence entre le tawassul qui est permis et le tawassul qui est interdit. Ouais, comme l'exemple des chiites. Ça, le tawassul qui est interdit, c'est le tawassul qui a du shirk dedans. Ouais, le tawassul dans lequel il y a du shirk. Ça c'est la deuxième catégorie, le tawassul qui est interdit, le tawassul dans lequel il y a du shirk, et c'est comme l'exemple de celui qui fait le tawassul par quelqu'un qui est mort et demande à quelqu'un qui est mort de faire des doigts pour lui à Allah. Ça c'est du shirk akbar. Tu peux pas demander à un mort. Les chrétiens ils font ça souvent, ils prient par exemple à Marie ou à Jésus ou à un saint, ils demandent à cette personne de prier pour eux. Même la prière que les catholiques font tout le temps, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Hein? Marie, elle est morte. Hein? Et tu ne peux pas lui demander de prier pour toi, elle ne peut même pas prier pour elle-même. Après que tu sois mort dans ta tombe, l'adoration et la prière, c'est terminé. Donc, de demander à quelqu'un comme ça de prier pour toi, c'est bâtil, et c'est faux, et ça rentre dans le shirk. La même chose, par exemple, pour demander au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou pour demander à un homme pieux parmi les awliya, ou ceux que les gens considèrent comme étant des awliya, tu demandes à eux de prier pour toi, ça c'est du shirk majeur. Toutefois, ils ont inventé une autre forme de tawassul aussi, qui n'est pas shirk majeur, mais qui est quand même parmi les bid'ah. Et qui est interdite, et qui peut être parmi les formes de shirk mineur, qui peut amener au shirk majeur. Et cette forme de tawassul-là, c'est le fait de demander à Allah au nom du prophète, ou bien de demander à Allah par le statut du prophète, ou par le degré du prophète, ou par l'importance du prophète, ou des choses de ce genre. Donc ils vont dire Allahumma inni as'aluka bi nabiyyika, ou bien ils vont dire Allahumma inni as'aluka bi jahi Muhammad, hein? Ou des choses comme ça. Ça rentre dans la bid'a, ça rentre dans qu'est-ce qui est interdit, parce que les sahaba n'avaient pas l'habitude de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de demander à Allah par le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est comme s'il demandait à Allah par le prophète, comme si en demandant par son nom, Allah ne pouvait pas te refuser. Tu vois? C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un droit sur Allah tellement grand que Allah ne pouvait pas lui dire non. Alors qu'on sait très bien que personne n'a un droit comme ça sur Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et en même temps aussi, ça implique quelque chose. Ça implique le fait que toi tu demandes à Allah par le degré ou le par le prophète ou par le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que ce degré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a obtenu hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, du fait qu'il était le meilleur des hommes et qu'il était un homme pieux, mais son degré à lui, c'est son degré, il peut rien faire pour, c'est-à-dire ce que lui a comme degré, Ça va être quelque chose qui va s'appliquer à lui seulement. Comme par exemple, si un homme pieux parmi les hommes pieux, tu dis à Allah, oh Allah, je te demande par le degré de tel serviteur parmi tes serviteurs. Ce serviteur, il a atteint ce degré-là par ses prières, par ses jeûnes, par ses actes d'adoration, par sa piété à lui. Comment toi, tu vas demander à Allah par sa piété à lui, alors que toi, tu n'as rien fait. Non, c'est toi, tu ne peux pas profiter des actions de quelqu'un d'autre. C'est tes actions à toi qui vont te profiter au jour de la résurrection. C'est qu'est-ce que toi tu as fait. Donc si tu dis à Allah, oh Allah, je te demande par mon amour pour ton prophète, ça c'est correct parce que c'est une bonne action qui t'appartient à toi. Puisque cet amour-là, ça fait partie de la foi. Tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam et donc tu demandes à Allah par cet amour-là de son prophète. Et ça, c'est quelque chose de bien. Mais si tu demandes par le prophète lui-même, ça, ça ne peut pas te profiter. Donc c'est ça le tawassul qui est bid'ah. Et la preuve que cette forme de tawassul, elle est une innovation et que les sahaba ils n'ont jamais fait ça, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ou plutôt avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les musulmans avaient besoin de la pluie ou qu'il y avait une sécheresse, ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans un hadith, l'exemple du bédouin qui venait puis qui disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, il n'y a plus de récolte, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien qui pousse, c'est la sécheresse, demande à Allah pour qu'il fasse tomber la pluie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait et faisait les doigts, faisait les invocations, faisait la prière de la pluie, l'istisqa, et Allah faisait tomber la pluie. Donc ça, c'est pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu à l'époque de Omar ibn al-Khattab une sécheresse également. Et à ce moment-là, Omar ibn al-Khattab a dit à l'oncle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Abbas, de se lever pour faire des doigts et demander à Allah la pluie. Donc il a dit, Omar ibn al-Khattab a dit, oh Allah, à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque où il était vivant, nous te demandions par on faisait le tawassul par ton prophète. Ça veut dire quoi, on faisait le tawassul par ton prophète? Ça veut dire on demandait à ton prophète de demander à Allah pour nous, de faire un doua pour nous pour que tu fasses tomber la pluie, et tu faisais tomber la pluie. Il dit, maintenant, on te demande, on fait le tawassul par l'oncle du prophète. C'est-à-dire, on demande à l'oncle du prophète de faire dua à toi pour faire tomber la pluie. Alors, il a dit, qum ya Abbas. Il a dit, lève-toi, ô Abbas, puis fais le dua. Et il s'est levé, il a fait le dua. Donc, ça veut dire que le tawassul, c'est de demander à quelqu'un de faire le dua pour toi. Et si c'était permis de faire le tawassul par quelqu'un qui est mort, ils n'auraient pas demandé à l'oncle du prophète. Ils auraient demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement. Donc ça, c'est une des preuves que les ulama ont mentionnées à ce sujet-là. Ça, c'est mentionné dans Al-Bukhari. Cette histoire-là est mentionnée dans Al-Bukhari. Et donc, si tu veux faire la recherche, il y a les applications de hadith là, tu écris inna kunna natawassalu bi nabiyyika fatusqina wa al'an natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika. Mais il y a la version d'Abdullah ibn Mas'ud, après ce que je me rappelle. Si tu regardes dans le livre de Cheikh Al-Albani, dans Sifat Salat al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, la description de la prière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écrit par Cheikh Al-Albani, il décrit toutes les différentes parties de la salat du début jusqu'à la fin, et il parle du tashahhud. Et il mentionne la version dans le tashahhud d'Abdullah ibn Mas'ud, où il dit qu'avant, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Assalamu alayka, ayyuhan nabi ». Puis qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Assalamu ala al-Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ». Non, c'est ça qu'il faut dire. dans le tashahhud. Même si certains ulama disent qu'il n'y a pas de mal à dire Assalamu alayka ayyuhan nabi quand même, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'est-ce que j'ai appris moi dans le livre de Cheikh Al-Albani, c'est que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mieux c'était de dire Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, on peut dire. Sinon, les deux, c'est correct. Est-ce qu'on peut varier ou... les deux sont permis, donc tu peux varier si tu veux. Je pense que la question, qui est, justement, ça me suffit peut-être, il m'avait dit que ça lui était transmis dans le fond quand on fait ça. Ben, en fait, c'est parce que, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toute personne, quand vous faites un doigt, quand vous faites le salam sur moi, il y a un ange qui me le transmet. Donc, faites le salam sur moi de là où vous êtes, et ça va m'être transmis. Donc, en voulant dire, c'est pas nécessaire que tu viennes vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le salam sur lui. Peu importe où tu es dans le monde, si tu lui transmets le salam, il y a un ange qui va lui transmettre. Aïna am. Wa fi kabarak. Donc c'est ça. Donc ça c'est pour par rapport au tawassul. Donc si vous trouvez par exemple certains parmi les gens de bid'a, les gens de surtout les soufis qui propagent ça, l'idée que comme si ils essaient de te confondre dans ta religion, ils vont te dire demander au prophète, c'est pas du shirk, c'est du tawassul, et là ils vont te sortir des hadiths pour essayer de justifier ça. Mais des fois soit ils vont citer des hadiths qui sont daïf, qui sont fabriqués, qui sont faibles, pour essayer d'affirmer des choses qui sont contraires à la vérité, ou bien ils vont déformer la compréhension du hadith en question pour essayer de l'interpréter d'une manière incorrecte, ou bien ils vont déformer la signification du terme lui-même pour mélanger les gens. Mais une fois que tu as compris le tawassul, les deux catégories, le tawassul qui est permis, le tawassul qui est interdit, et les trois catégories qui sont permises, et la catégorie de tawassul qui est interdite, là, ça clarifie les choses, ça facilite. Puis, il y a des choubouhat autour de ce sujet-là. Bien entendu, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais qu'est-ce qu'on a expliqué de ça? C'est les bases. Si vous avez bien compris la base, le reste... Inch'Allah, si vous entendez quelque chose là-dessus, vous allez avoir la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, comme on dit, et qui n'est pas clair. Donc, le cheikh, il dit, pourquoi on ne demande pas la shafa'a à une créature? C'est parce que le fait de demander shafa'a, c'est comme si tu demandes à quelqu'un de faire un dua pour toi. Et quand tu dis à quelqu'un, astashfi'u, hein, ça veut dire atlubu minka du'a, je te demande de faire un du'a pour moi, je te demande de transmettre mon besoin à Allah, hein, ou bien de transmettre de faire en sorte que tu invoques Allah pour moi. Et il dit wa idha raja'a amru shafa'ati ila talab sarat ash-shafa'a min anwa' ad-du'a wa sara talabu aw da'watu ghayri Allah shirk al-akbar. Donc c'est ça, si tu demandes à quelqu'un qui est mort d'invoquer Allah pour toi, donc c'est comme si tu faisais un dua en réalité, et dans ce cas-là ça rentre dans le shirk majeur, puisque demander à un mort quelque chose, ça rentre dans le shirk. Demander à un mort ou demander à un vivant quelque chose que seul Allah peut faire. Par exemple, quelqu'un qui est vivant, tu lui demandes de pardonner les péchés. Pardonne mes péchés, ou fais-moi rentrer au paradis, ou des choses comme ça, fais tomber la pluie, ou des choses comme ça. Ça rentre dans le shirk aussi, parce que tu demandes à cette personne ce que seulement Allah est capable de faire. Ou bien